Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. C'est l'émission rap de référence sur Skyrock. 20h-21h. Ladies and gentlemen, ce soir, Blacko. C'est Planet Rap Blacko sur Skyrock. Et c'est parti pour une nouvelle semaine. Soyez les bienvenus. On est avec Blacko. Comment va? Bon, on est là, très bien. Eh ben voilà, dualité, ça y est, ça approche le 6 novembre. Parti. Ça y est, tu te sens comment? Ouais, très bien. Bien. En plus, on revient de la Réunion, donc c'est pas cool. Tu reviens du 974, évidemment. Ouais, c'est cool. Bon, de la maison. Longtemps, mais c'est. Et la transition est dure parce que le froid commence à s'installer. Ouais, tu sais combien? Fais-nous rêver un petit peu la Réunion. C'était le climat et on était. On était dans les 30 degrés. Hein. Normal. Normal, avec une normalité. Ciel très très très bleu. Une normalité totale. T'as fait quoi? T'as joué là-bas? Ouais, on a joué là-bas au Festival Florilège. Et c'était, ça s'est super bien passé. Il y avait un public super, super accueillant et tout. Donc, super content de la date. Bon, tout va bien? Très bien. En pleine forme? Ouais. On va pouvoir attaquer cette semaine. Donc, dualité, je le disais, ça sort le 6 novembre. C'est ça. Pas ce vendredi, celui d'après. Ouais. Et nous, on a préparé déjà un petit medley de ce qui nous attend dans les bacs à partir du 6 novembre. Ok. De dualité. T'écoutes, tu valides ou pas juste après. Allez, le medley. Je continuerai de chanter sur Skyrock. Fais l'amour au bord de chaque jour. D'exister, Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent, qui nous j'aime me réfugier. Hey, c'est l'homme que l'on appelle Blacko sur Skyrock. Même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions, accroché à mes rêves sur Sky. La rue c'est pas ma mère. Aujourd'hui je ne peux que regretter. La rue c'est pas ma mère. Non. Je repense à tout ce que j'ai fait. Planète rap, planète rap. Parfois je m'isole. Parfois je m'évade. Que mes pensées s'envolent. Pour oublier ce qui me fait mal. Planète rap. Le monde est malade et on le regarde mourir. Je lance un SOS, qu'attendons-nous pour réagir? Planète rap. Planète rap. Marchons les vrais amis, bien dans les pires moments. Tu m'entends et que tu peux me voir. Écoute mon poème. Ma reine, mon cœur veut chanter pour toi. Planet Rap. Planet Rap. Mais l'amour fait de moi un millionnaire. Le soleil me suffit qu'en lumière. Je laisse ses pour se faire la guerre. Moi je cultive le love. Que Dieu me pardonne. J'ai pas toujours été droit dans ma vie. J'ai pas toujours été bon. J'ai souvent cédé à mes envies. Planet Rap. Planet Rap. Dépasse tes limites. Dépasse tes limites. Sois ambitieux, courageux, déterminé. Va chercher le tir. Dépasse tes limites. Dépasse tes limites. Lève-toi, bats-toi. Planet Rap. Je cherche l'équilibre entre le bien et le mal. Je n'ai qu'une vie à vivre. Je me prends vite avant le décollage final. Planet Rap. Ça va, ça te plaît? Ouais, ça me plaît très très très très bien. Et ton album, ça va, ça te plaît aussi? Ouais, ça me plaît aussi. Ça me plaît aussi, je suis content. Aucune faute pour dualité, t'es content? Ouais, après, tu veux toujours faire mieux, c'est le perfectionnisme, tu vois, qui veut ça. Mais je suis content de ce qu'on a fait, et voilà. Je me souviens quand t'étais venu, c'était pour le EP. Ouais, en début d'année 2015. Ouais. Pour le EP qui est sorti, qui a bien marché aussi. Ouais. Et tu me disais, moi j'ai l'impression que c'est du bonus en fait ce qui m'arrive. Mais c'est que du bonus. Toujours le même état d'esprit ou pas? Toujours. C'est vrai? Toujours. Quand tu traverses un désert, ça veut dire que chaque goutte d'eau que tu vas trouver, c'est que du bonus. Mmh. Donc tu trouves une oasis, c'est encore plus que du bonus. Donc là, tu vis avec l'album, tu vas en concert. Ouais, voilà, on bouge, on partage la vibe avec les gens. Et c'est que du plaisir. Jour de la sortie, d'ailleurs, il y a la Cigale, hein, qui ouais, est prévue à Paris. Ouais. 6 novembre, jour de la sortie. Après, il y aura Il y aura plein d'autres dates. Il y a Le Havre juste après le 13. Le 20 novembre, voilà, c'est à Beauvais. 21 novembre à Nancy. 28 à Oigny. Le 3 décembre à Lyon. Et puis plein d'autres dates. Voilà. Il faut aller suivre un peu partout sur les réseaux sociaux. Sur la route. On dit un petit mot, salut Erais qui est là. Il est là. Comment ça se passe par ici? L'album s'appelle Dualité, mais il aurait pu s'appeler aussi Duolité. Pas mal. Pas mal. Pour la réédition. Pas mal. Mettez Dualité. Mettez l'autre côté pour la réédition. Mais c'est vrai qu'il a été important aussi dans ce retour aussi, Erais. Bon, en fait, c'est. Déjà, on en a déjà parlé de ça. On se connaît depuis. Qu'on a 17-18 ans. Là, on est là avec des poils blancs et tout ça, mais. Toujours en train de partager la vibe et voilà quoi. On s'est retrouvé bien humainement et musicalement. Franchement, c'est un artiste qui a beaucoup de talent, donc après c'est un honneur de travailler. Je te trouve bien calme. Alors je sais pas si c'est au contact de Blacko que tu t'es assagi. Franchement, tout va bien. Tu t'es assagi, Erais. Mais t'as vu, mais non, mais y a personne, tu vois. T'es au calme, t'es là. C'est une ambiance zen ce soir. C'est zen. C'est bien ce zen. Voilà, voilà, c'est ça. On va débuter avec un premier extrait, puis on va parler évidemment de la façon dont a été fait cet album, de ce retour de Blacko en même temps. Non, pas envie de dire un retour, puisque depuis ce début d'année, t'es présent un peu partout. On est là. C'est un retour quand même. Mais c'est un retour. Voilà. Ah bon, ouais, non, c'est un retour. On écoute le morceau pour débuter Équilibre. C'est ça. Allez, c'est parti. Le Planet Rap 20h pile avec Blacko toute la semaine. Et le hashtag, c'est Blacko sur Skyrock. Lego! Lego! La vie ne tient qu'à un fil sur lequel je cherche l'équilibre. Elle n'est pas un long fleuve tranquille. Dès la naissance, c'est un combat qui se livre. Vivre, c'est apprendre. Être libre, c'est comprendre qu'il n'y a que la voix qui délivre. Et personne n'est parfait. Des mauvais choix, j'en ai fait. Je sais, j'en ai conscience, mais je ne vis pas dans le regret. Je ne suis pas un ange. Non, je ne suis pas un démon. Seul Dieu est mes véritables proches, savent si mon cœur est beau. Je cherche l'équilibre entre le bien et le mal. Je n'ai qu'une vie à vivre. Je me profite avant le décollage final. On est tous à la quête du bonheur. On cherche tous une vie meilleure. On oublie souvent que la richesse première est intérieure. L'âme a une valeur. À moi d'écouter mon cœur. Je sais que Babylone fera tout pour m'induire en erreur. Si je restais solide, je dois continuer à aimer. Garder l'esprit lucide pour ne pas laisser la colère m'aveugler. Prends ce que tu te donnes, donne, sans attendre qu'on te donne. Donne le meilleur de ta personne. Prends celui qui pardonne. Rappelle-toi que tu n'es qu'un homme. Avant que ta dernière heure sonne. Libère ta conscience. Fais confiance à tes sens. Le malin voudra te tromper. Te fie pas aux apparences. Regarde tout a un sens. C'est comme une évidence. Je ne suis qu'une poussière d'étoiles dans un univers immense. Je cherche l'équilibre. Et si Dieu veut je l'obtiendrai. Mon âme danse sur un fil. Et si Dieu veut, je tiendrai. Je garde les pieds sur terre. Mais mon esprit aime s'évader. Entre l'ombre et la lumière. Je pars, oui, je me laisse aller. Je laisse mon âme se balader. Au cœur de l'infini. La vie ne tient qu'à un fil sur lequel je cherche l'équilibre. Elle n'est pas un long fleuve tranquille. Dès la naissance, c'est un combat qui se livre. Vivre, c'est apprendre. Être libre, c'est comprendre qu'il n'y a que la voix qui délivre. Ah oui. Ah bah ça va bien avec en plus le nom de l'album, celui-ci, Équilibre. Voilà, ouais, justement, voilà. Trouver le juste milieu. Voilà, le juste milieu entre le bien et le mal. Parce qu'on est tous, on a tout ça en nous, quoi. Le bien, le mal, on le porte tous les jours en nous. Pourtant, c'est une recherche que tu as fait justement depuis plusieurs années. D'être le mieux possible. Je pense que c'est une recherche que je vais faire jusqu'au tombeau même. T'es pas arrivé encore? Tu penses que t'es pas arrivé encore au bout? Je pense qu'on se cherche jusqu'à la fin du voyage, en fait. Et c'est que la fin qui révèle tout ce trajet qu'on a fait. C'est ma croyance. Non, mais j'ai justement demandé, toi, comment t'expliques justement, c'est un nom fort, hein, dualité de donner. Bon, la pochette va aussi avec le côté blanc, le côté noir aussi. Vous verrez le visuel. Si vous ne l'avez déjà vu, il est disponible un peu partout sur les réseaux sociaux en attendant la sortie 6. Ouais, c'était ce message-là que je voulais exprimer, quoi. Chercher l'équilibre, tu vois, entre le bien et le mal. C'est pas une mince affaire, tu vois. C'est voilà. Et là, par exemple, aujourd'hui. Ouais. Plutôt blanc, plutôt noir, plutôt. Ah, plutôt gris. Ah, bah. Ah, quand même un peu, il y a aussi la possibilité d'être gris un peu, ouais. En Michael Jackson, j'ai. Ah, ouais, c'est les jours neutres, c'est en Michael Jackson. Ça, c'est les jours neutres, ouais. Non, c'est tous les jours, on cherche l'équilibre. Après, t'as toujours ta boîte aux lettres qui t'annonce des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Mais je me focalise sur les enfants, c'est eux qui font que c'est plus blanc que noir. Alors j'ai l'impression, parce que c'est vrai que si vous suivez Blacko sur les réseaux sociaux, tu mets beaucoup tes enfants en photo, pas de dos. Hein, c'est ma réussite. C'est pas juste pour du voyeurisme, pour montrer tes gamins. Non, mais c'est vrai qu'on sent que c'est super important, ouais. Ouais, c'est ma fierté. C'est plus gratifiant pour moi même que de faire poser une photo avec un disque d'or. C'est le côté papa enfants. Blacko, quoi. Ouais, voilà. Emmener à l'école. Exactement, tous les jours. Faire les voir. Ouais, c'est ça, faire à manger et tout. C'est mon petit quotidien tous les jours, ça. Et alors, justement, le côté dualité, il est aussi parce que papa, il est forcément pas comme les autres. Donc, il est sur scène, il voyage beaucoup. Ouais. On fait avec. Tu leur expliques. Elles sont petites, mais elles ont compris. Surtout la plus grande, Jaya, 7 ans. Elle a compris, papa. Il bougeotte, mais il chante. Et elle aime bien aussi un peu. Je crois que ça l'a piqué aussi un petit peu. Mais elle a compris, ils comprennent. Tu vas les emmener faire de la musique ou pas? Ouais, bah, ils sont déjà montés sur scène avec moi. Ah, ça y est, ouais, j'ai fait un concert dans ma ville à Montmagny. Donc c'était l'occasion. Ils sont venus, ils sont montés là. Le mec fait travailler des enfants en bas âge, quoi. Non, c'est pas travailler, c'est on partage là-bas avec mon famille. Bah oui, je comprends. Comme ça, je suis fier de montrer ce que je fais. Et puis leur expliquer un peu, voilà, parce que c'est forcément une stature particulière, quoi. Donc, et comme tout le monde parle de valider, bah moi, c'est ce qui est important pour moi, c'est d'être validé par mes enfants et mon papa. Ça, c'est le plus important. Voilà. C'est la validation première après. Après, c'est après, mais voilà, ça c'est le premier lieu. Bon, bah t'aimerais qu'on dise quoi d'ailleurs sur cet album Dualité quand même, si on devait le valider, entre guillemets, si. Qu'est-ce que t'aimerais que les gens retiennent de cet album? Bah, le message que j'ai essayé de porter dedans, en ces temps un peu énervés, en ces temps un peu bizarres, en ces temps de pré-guerre bizarre. Ah oui, carrément pré-guerre, toi. Ouais, ça c'est pour. Il faut fouiner dans les infos et on sent que ça y a un pétard qui est en train de s'allumer un peu quand même, c'est bizarre. Ah non, c'est vrai que le climat, on peut pas donc dire rapporter qu'il est un peu super de, sympa, mais. Un peu de paix et de positivité, quoi. Voilà, quoi. Du Blacko. Blacko, il a toujours essayé. T'as commencé quand d'ailleurs l'enregistrement? T'avais déjà commencé au moment de l'EP? Il y avait déjà des morceaux en route? Après, on avait mis en stand-by vu qu'on était parti sur la route et tout pour défendre l'EP. Et après, on s'est remis dessus, on a bossé chez Rise et voilà. Il en est sorti cet album. D'accord, il y avait quoi justement? Qu'est-ce qui t'entourait autour de cet album quand tu écrivais? C'était quoi, oui, justement le côté un peu ce qu'on peut voir aussi aux infos, moi, le côté sociétal, le côté. C'est toujours des tranches de vie en fait. Ou des messages. J'essaie que. Les gens qui m'envoient des messages sur mes réseaux sociaux, et des fois je reçois des sérieux messages. Que tu te rends compte qu'une musique, ça peut aider quelqu'un à traverser une épreuve ou un truc. Donc j'écris principalement pour ça en fait. Moins que pour faire danser, moins que pour amuser. C'est plus pour aider. Déjà ça m'aide moi-même, c'est ma thérapie à moi le son. Et si ça peut aider d'autres personnes, bah voilà. C'était quoi d'ailleurs l'histoire de quelqu'un qui est venu te voir un jour après un concert ou que t'as croisé dans la rue qui t'a vraiment bouleversé ou qui t'a ému ou qui t'a dit... Je pourrais pas tous les citer, mais. Mais c'est une en particulier, comme ça, qui te vient en tête. Le dernier, c'était. Je me rappelle plus de son nom, c'était un petit garçon. Il est venu me voir, il avait quoi, 8 ans. Il était avec sa troupe d'amis pour faire des photos, tout truc. Il est parti, il revient tout seul. Il me dit, en fait, Blacko, j'entends des voix. Après, je lui dis quoi? Je lui dis, disent quoi les voix? Ils me disent de me suicider. Un petit bonhomme de 8 ans. Je lui dis, ne les écoute pas, les voix chantent. Quand tu entends ces voix, chantent et écoute ta chanson à toi. Et à la fin de mes concerts, il se passe beaucoup d'événements comme ça. C'est pour ça que ma chanson, moi, je l'oriente pour ça, tu vois. C'est la musique adoucir les mœurs, pas pour énerver les mœurs. C'est pas pour énerver, ouais. Voilà, pour les adoucir. Bah, c'est ce qu'on va pouvoir découvrir cette semaine entre 20 et 21. Tiens, je te confie aussi le portable. Voilà. Ça, tu l'avais pas depuis que tu es venu, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. C'est depuis la rentrée, donc depuis le mois d'août. Voilà. Le premier à l'inaugurer, c'était Maître Gims qui l'a la semaine dernière. C'est Caris, d'ailleurs, qui l'a filé. Et là, c'est WAM. Et là, c'est toi. Donc, pour joindre Blacko à n'importe quel moment, je vous file le numéro, c'est 06 71 74 84 15. Voilà. 06 71 74 84 15. C'est, j'ai envie de dire, la ligne directe de Planète. La ligne directe. Pour te joindre à n'importe quel moment. Appelle, on voit ton texto. Fais, voilà, 06 71 74 84 15. Vous avez envie de parler à Blacko. Juste Blacko envoyer de la force. Tiens, regarde, ça sonne. Tu veux décrocher tout de suite? Ah, déjà, ça y est, c'est parti. Allez, ça sonne. Mets bien le haut-parleur, comme ça on va bien entendre tous. Allô, allô. Allô. Oh là là. Mec, j'allais être le premier. Salutations. C'est le premier, en effet. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Bill, là. C'est Nabil. Salut, Nabil. Cool ou quoi? En forme? Ouais, ça va, les toi. Ouais, ça va bien, en forme. Bon, Nabil. Ça fait plaisir. Nabil, tu viens envoyer de la force à Blacko, tu veux dire quoi, alors? Ah, moi. J'ai pas de mots, en fait. C'est juste. Je souhaite. J'ai le cœur qui bat, c'est un truc de malade. C'est cool, frère, merci. Si ça prend, je vais tomber sur Occupé ou Messagerie. Ah non, décroche, on décroche. Eh ben merci beaucoup. Eh ben voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Nabil, en tout cas, d'être passé, merci. D'être le premier pour parler à Blacko. Voilà. Merci, ma jeunesse. Mais bon, on continue, on essaye encore. Tu sais quoi? Vas-y, je t'écoute. Ah oui. Ah ouais, là c'est. Ah ouais. Ah, ok. Ah non, mais là c'est du sérieux, Nabil. Rap primitif, pas si jeune que ça. Là. Tu dis, bon, il y a eu des petits passages. Ouais, puis voilà quoi. Oh. Dédicace à Youyou, yes, aïe. Yes, Youyou. Ah bah, il y a du monde derrière, j'entends. Ça marche, mais big up à toi. Merci beaucoup. Merci. Bill 1, 2, 3 pour tous les potos. Dédicace à Rime Cruel, la RK. Voilà, les big ups sont passés. Nabil 2, 3 qui nous appelait. Merci, frère. Qui a été le premier ce soir dans l'émission. On rappellera. Salut les frères. A plus, Nabil, tu vois ton frangin aussi derrière. Voilà, c'est, regarde, les gens te donnent cool, la force aussi. Hein. Ah ouais, ça y est, des messages et tout. Ah, mais c'est parti. Ça va pas arrêter en même temps. Bon, le temps de mettre. Celui-là, non, on a un petit morceau. On va mettre un petit morceau. Après, on pourra décrocher tranquille. Rappel dans un instant. Quel morceau on met? On met que Dieu me pardonne, c'est ça? Allez, c'est parti. Blacko, c'est extrait de Dualité. Ça sort le 6 novembre sur Skyrock. Mais je sais que je suis encore loin. Être un homme droit, c'est pas facile. Face à la tentation, l'homme est fragile. Je me fais souvent berner avec sa malice, le diable est caché. Il sait que mon cœur a des failles. Il connaît mes faiblesses. Oh, Dieu renforce ma foi, car mon âme est en détresse. Que Dieu me pardonne, j'ai pas toujours été droit dans ma vie. J'ai pas toujours été bon, j'ai souvent cédé à mes envies. Seigneur, guide-moi, aide-moi à être un homme meilleur. Pardonne-moi, montre-moi la voie, pardonne mes erreurs. Oh, que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. J'ai souvent du mal à gérer ma colère et j'en perds mon discernement. L'enfant du soleil est aussi l'enfant du tonnerre. Depuis le décès de sa maman, aide-moi à ne pas me faire. Je cherche la lumière dans l'obscurité. Je sais que je suis mon pire adversaire. Guide-moi vers ta sécurité. La vie n'est qu'un test et je ne veux le rater. Renforce mes faiblesses quand le diable vient me tenter. Je dois mener ma guerre sainte, me battre contre mes démons. Je te dois amour et crainte. J'implore ton pardon. Que Dieu me pardonne. J'ai pas toujours été droit dans ma vie. J'ai pas toujours été bon. J'ai souvent cédé à mes envies. Seigneur, guide-moi, aide-moi à être un homme meilleur. Pardonne-moi, montre-moi la voie. Pardonne mes erreurs. Oh, que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. pardonne. J'ai pas toujours été droit dans ma vie. J'ai pas toujours été bon, j'ai souvent cédé à mes envies. Seigneur, guide-moi, aide-moi à être un homme meilleur. Pardonne-moi, montre-moi la voie, pardonne mes erreurs. Oh, Jésus. Oh, que Dieu me pardonne. Merci, avarice. Que Dieu me pardonne. Colère, envie. Que Dieu me pardonne. Paresse, orgueil. Que Dieu me pardonne. Yako à l'instant. De retour. C'est vrai, pour reprendre derrière ce morceau alors que la spiritualité s'est installée. Voilà, la zénitude. C'est la zénitude, voilà. Que Dieu me pardonne, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Ouais, quel rôle justement Joe Michael à prod d'ailleurs, big up à lui. Ziga à l'écoute. Yeah. Quel rôle a la spiritualité justement toi, Blacko, dans ton quotidien? Pas uniquement la musique, mais dans. Bon, en fait, elle m'accompagne tous les jours. Après, je suis pas dans une filiale. je m'intéresse un peu à tout. Je peux t'ouvrir le Coran, comme la Bible, comme la Torah, comme des écrits indiens, comme des écrits de la mer morte. J'aime bien chercher partout, en fait. Parce que je me dis que, voilà, il y a des gens qui ont cru même avant nous de différentes manières. Donc voilà, je me fais ma spiritualité à moi. Tu te retrouves pas forcément dans une religion en particulier, quoi. Ouais, non. Il y a plein de. Propre vision. Comme un oiseau, je vais de branche en branche. Et chaque arbre m'apporte son parfum et sa couleur. Tu retiens beaucoup de choses quand même de tout ça, justement, de tout ce que tu lis. Ouais, je retrouve que finalement c'est un peu la même chose, sauf que ça a été tourné de différentes manières pour que les hommes ils cultivent plus la différence qu'autre chose, alors qu'en fait c'est le même message pour tout le monde, quoi, les bases, quoi. Le même message justement de paix, de fraternité, de toute façon, de respecter son prochain. Même quoi. Dans le fond, un humain, il sait, même sans avoir lu n'importe quel bouquin, quand tu fais quelque chose de mal, quand tu mens ou que tu te comportes mal, il y a quelque chose dans toi qui te le signale, que tu le sens dans ton estomac, dans ton cœur, ça va pas. Donc voilà, tout seul, on sait qu'on commet quelque chose de pas bien, quoi. Donc voilà. Et ce morceau, comme plein d'autres d'ailleurs, autour justement, parce qu'on parlait de spiritualité, mais cette recherche, voilà, il y en a plein d'autres sur l'album. Ouais, c'est des états d'âme, en fait, les morceaux, des tranches de vie ou des états d'âme, en fait. Voilà. Ça s'appelle Dualité, ça sort le 6 novembre. 6 novembre. Et je crois que si on précommande maintenant, en plus, on a des morceaux. Ouais, c'est tout ça. De suite. Direct. Ouais. Direct, là. Allez-y. Sur la droite. Ouais, moi, j'ai pris, je l'ai acheté. Alors, Erais, on a quoi? On a 4 titres. Je crois qu'on a justement Que Dieu me pardonne. Voilà. Il me semble. Équilibre. Ouais. Le temps est compté et Accroché à mes rêves. Exactement, c'est ça. Ce qui est pas mal. Voilà. C'est vraiment bien. C'est-à-dire que c'est le moment où j'ai précommandé et la suite arrive aussi au fur et à mesure. Voilà. Avant la sortie, le 6 novembre, on va revenir dans quelques minutes. Allez-y, 41 759 pour s'inscrire et faire tourner la roulette. Ce sera tout à l'heure. Il y a des places pour aller voir Youssoufa en tournée. On reviendra, on mettra un morceau aussi qui s'appelle Le mur du silence. Ouais. Tu veux dire un mot sur celui-ci, Blacko? En fait, celui-là, je me suis mis dans ma propre peau, mais comme à l'âge de très très jeune, quoi. Comme si j'avais 8-9 ans. Et si j'avais pu écrire ce morceau-là et le chanter à ma mère ou à mon père. Donc et voilà, j'ai écrit ce morceau-là. Bon, t'aurais été surdoué aussi en même temps. T'aurais été surdoué à 8-9 ans. Ouais, je sais, mais c'était pour donner la parole à ceux. Pour moi aussi, la musique, c'est ça, c'est donner la parole à ceux qu'on n'entend pas. Donc un petit qui comment dire ça, qui supporte la séparation de ses parents. On ne sait pas exactement ses envies, ses attentes. Donc j'ai essayé de me mettre un peu à sa place et d'écrire ça sur un morceau. Et voilà, quoi. Et bougez pas, ça va parler en tout cas. Parce que c'est vrai que c'est aussi cet album et les morceaux de cet album, c'est évidemment des tranches de vie, mais ça parle aussi à beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'on peut se reconnaître à un moment sur des petits bouts. Exactement. Je veux que ma musique, elle parle, en fait. Universelle, voilà. Il y a un côté universel. Qu'elle parle. Comme qu'on dit, c'est ce livre m'a parlé, cette musique m'a parlé. Je veux qu'elle parle à l'intérieur de la personne, quoi. Ça s'appelle Le mur du silence. Bougez pas, on écoute dans un instant avec Blacko. Bou, bou, bou. Ladies and gentlemen, 20h-21h, Planet Rap reçoit Blacko. Planet Rap. Skyrock. C'est Blacko, notre invité toute la semaine avec Dualité. Ça arrive le 6 novembre dans les bacs. Et on est promis juste avant la pub un morceau qui s'appelle Le mur du silence. Voilà. On va le découvrir maintenant. Vous réagissez aussi avec le hashtag Blacko sur Skyrock. Il y aura le freestyle par téléphone. Il y a du live aussi, Blacko. Ouais, on va faire le titre Équilibre en live. Parfait. Parce que j'aime bien chanter en live et tout, comme ça. Et ça tombe bien, nous aussi, on aime bien t'écouter. Donc dans un instant, bougez pas. Et le morceau Le mur du silence, tout de suite dans la trap. Un dédicace à Will, mon cousin. Big up! Je ne sais plus comment faire, je n'ai que 8 ans. parents se séparent. Mais je suis mon père ou ma mère, c'est pas évident, non. Moi je ne suis qu'un enfant. Si je pouvais faire en sorte qu'ils restent ensemble, et là j'ai bien peur que l'un et l'autre n'éprouvent plus de sentiments. Avec mes yeux d'enfant, je ne voyais pas l'amour sous cet angle. Je me sens perdu dans le monde des grands. J'ai beau crier, allez, mais personne ne m'entend. Mal à dormir la nuit depuis que papa est parti. Est-ce que c'est de ma faute? Les questions me tourmentent sans répit. J'ai plus envie de jouer dans la cour, même les profs ne m'entendent pas crier au secours. Est-ce que c'est de ma faute? Maman me dit ne pleure pas, tu comprendras un jour. Moi qui croyais que toute la vie ils resteraient ensemble, parfois je me demande si à leurs yeux mon avis compte vraiment. Avec mes yeux d'enfant, je ne voyais pas l'amour sous cet angle. Je me sens perdu dans le monde des grands. J'ai beau crier, allez, mais personne ne m'entend. À cause du mur du silence, je ne suis qu'un enfant. J'essaie de comprendre le monde des grands. Je suis assis devant le mur du silence. Devant le mur du silence. Devant le mur du silence. Est-ce que mon avis compte ou pas? Je perds mes repères, je ne comprends pas. Ils veulent refaire leur vie, quitte à refaire la mienne. Ils n'écoutent que leur envie, moi je voudrais tant que papa revienne. Ils m'expliquent qu'ils ne s'aiment plus. Je souris mais je me sens perdu. Est-ce que c'est de ma faute? Maman me dit ne pleure pas, tu comprendras un jour. Si je pouvais faire en sorte qu'ils restent ensemble, et là j'ai bien peur que l'un et l'autre n'éprouvent plus de sentiments. Avec mes yeux d'enfant, je ne voyais pas l'amour sous cet angle. Je me sens perdu dans le monde des grands. J'ai beau crier, allez, mais personne ne m'entend. Devant le mur du silence. Devant le mur du silence. Oui, oui, oui, oui. Voilà, voilà, voilà. Blaco, Blaco à l'instant avec ce morceau, le mur du silence. Je suis en train de regarder les messages qui arrivent. Voilà, il sort dans les bacs l'album ou c'est sur internet? Oui, les deux. Ouais, dans les bacs les deux. Cette fois. Ouais. Loupez pas. Oui, c'est vrai que le EP était que en digital. En digital, mais là il y a les deux et puis en digital, si vous précommandez dès maintenant, il y a déjà des morceaux en plus. Il y a déjà 4 titres. Dont ce titre aussi. Ah non, il y est pas. Pardon. Non, c'est le morceau qu'on écoutait avant, que Dieu me pardonne. Voilà. Celui-ci, vous le retrouverez dans les bacs à partir du 6 novembre. 6 novembre. Et beaucoup de messages qui ont été touchés, beaucoup de gens qui ont été touchés. Bah, justement par ce morceau, le mur du silence. C'est dédié à tous les couples en. À tout le monde, quoi. Ouais, ouais. À tout le monde. Tout ça. Mais, on est dans une génération où les couples, ils font plus long feu, tu vois, et il y a des enfants qui se retrouvent au milieu, tout ça. Donc voilà pourquoi j'ai écrit ce son-là. Le mur du silence, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Il y aura un autre morceau qui s'appelle Le temps est compté dans quelques minutes. Un morceau. Voilà. Qui a fait qu'on a réussi à. Voilà. À traverser ce désert-là. Il y a un morceau qui était. Ouais, c'est un morceau important. Le temps était compté pour le traverser. Ah, celui-là, croyez-moi. Non, mais c'est vrai. On le remettra dans un instant avant ton live. Mais juste avant, je vous présente Emorej de Vannes. Salut Emorej. Yes, bonsoir à tous. Yes, Emorej, comment ça va? Ça va bien et vous? Bonsoir, Blaco. Bonsoir, frère. Ouais, franchement, Blaco, je suis vraiment honoré de poser ce soir-là. Ah ben parce que merci. T'es un artiste que j'apprécie énormément. Là, j'attends vraiment Dualité. Eh ben, ça le 6 novembre, on attend ça, mon frère. Merci à toi, frérot. Yes. Je donne du love au petit frère, vraiment, c'est bien. Voilà, c'est la mission, c'est ça, notre combat, nous. Yes. Eh ben, on va écouter, toi, ce que tu as donné, justement. Et Morej, c'est parti, c'est l'heure du freestyle par téléphone. Ok. Ah ouais. Et 2015. Et Morej MC, frère. rappeur tout terrain, Socos, comment pas ton terrain, cousin, on met pas de coup de rein, prêche la parole, rey, Adma pour le roi, pratique la salade, comme tes ITN, propulsé vers le succès, tu sais, toute arme forgée contre nous sera sans effet, ce monde part en vrille, orné par tous ceux qui brillent, les apparences sont souvent trompeuses, trop suivent les chemins du chétan, voix désastreuse, apprends à discerner, le mal en veut te cerner, en ce qui te concerne, prends garde à ne pas avoir les yeux trop cernés, frelons-toi pas consterné, si tu crois tu verras sa gloire, mon rôle t'es chez Pétoir, en boucan de territoire, fini les GAV interrogatoire, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore, savoir divinatoire, fini la condition condamnatoire, il n'y a plus de condamnation, affranchi paillé sous ma fille, à la source tu peux boire, lâcher la tise, comme Moïse, viser la terre promise, trop de frères agonise, ta lame arrête déguise, belle coquise, ghetto strip, sur le pavé des braves, ça pique grave, suspect appréhendé, au parquet des ferrés, délit en bande organisée, percé dans grand banditisme gradé, mais tout ça c'est du passé, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Ok, à l'instant Emorej, Jean Freestyle du côté de Vannes. Merci à toi Emorej. Je peux passer un petit dédicace. Vas-y, on t'écoute. Yes, bah dédicace, bah Blacko. Yes, merci frère. À ma femme que j'aime par-dessus tout, à Nice, t'en passe très fort. À tous mes gars sûrs, Prophétie, Némi, Major, Prince Camer, Pasteur H, Tio, STF, tous mes gospel soldiers, on est ensemble les frères. Merci à toi Emorej, on peut te retrouver sur le net, et deux trois adresses à balancer, vas-y. Sur YouTube, on tape Emorej MC ou sinon j'ai un Bandcamp aussi. Bandcamp Emorej Emorej espace MC. Eh bah bon courage pour la suite en tout cas, merci à toi. Merci beaucoup. Big up, big up. Et Blacko en Bretagne, c'est à noter, c'est le 12 décembre du côté, yeah, du côté de Rennes, tu seras en concert. C'est ça. Puisque là, les dates, t'as pas arrêté en fait sur les c'est concerts. Ouais, c'est où C'est à l'étage. À l'étage. Direction au l'étage. Au premier ou au deuxième, mais on y sera. Oui, pas au sous-sol. Ouais, non. Elle est plutôt en hauteur. Pour retrouver Blacko sur Skyrock, yeah, dans un instant, il y aura du live avec Blacko. Et donc ce morceau, le temps est compté. Voilà. C'est un morceau important. C'était notre petite alchimie en fait. avec le roi, avec Rizé, donc. Ça s'est fait n'importe comment, mais. Mais ça s'est fait. L'important, c'est. c'est que ce soit fait. Aïe. Ouais, non, content, ah, content du truc. Ouais. Il t'a porté en concert pareil, ça doit être fou aussi, le temps est compté. Tu le sens aussi celui-ci? Ouais, ben, dès qu'on envoie les premières notes et tout, on voit le résultat de notre boulot et on est super content. Non, même sur. Il est déjà à 15 millions de vues, tu vois. Ouais. Qui est du cru? Qui est du cru.com. Ah, toujours ce site. Le fameux site. Ouais. On y aura des t-shirts, des trucs, ne vous inquiétez pas. Allez, on l'écoute maintenant et puis il y a le live juste après de Blacko. Yeah! One! Lego! Seul l'amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Et Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. Et nous j'aime réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant, oui je savoure. Chaque seconde le temps est compté. Je peux pas faire semblant, faire semblant. Le sourire quand le cœur n'y est pas. Je peux pas faire semblant. Jouer un rôle, ça ne m'intéresse pas. Je continuerai de chanter haut et fort. Attaché à mes valeurs, les défendre jusqu'à la mort. Laissez-moi donc suivre ma bonne étoile. Si Dieu veut demain, ça ira mieux. Si Dieu veut demain, j'aurai moi mal. Fais l'amour, me porte chaque jour. Donne envie d'exister. Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. Ils nous j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure. Chaque seconde le temps est compté. Je peux pas faire semblant, faire semblant. D'être heureux quand je ne le suis pas. Je peux pas faire semblant, faire semblant. De toute façon le regard ne trompe pas. Hey. Se mentir à soi-même, moi je ne peux faire semblant d'aimer. Mon pire défaut, mon grand problème, c'est pas toujours trouver les bons mots pour parler. Je suis rêveur mais je garde l'esprit en éveil. Chaque chaque jour j'essaie d'être meilleur que la veille. Ce n'est pas chose facile mais bon quand même j'essaie. Je garde la foi, je suis un enfant du soleil. Seul l'amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Dieu merci j'ai une famille, des amis qui m'entourent. Qui nous j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure. Chaque seconde le temps est compté. Je continuerai de chanter haut et fort. Attaché à mes valeurs, les défendre jusqu'à la mort. Laissez-moi donc, suis ma bonne étoile. Si Dieu veut demain, ça ira mieux. Si Dieu veut demain, j'aurai moi mal. Seul l'amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. L'île où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure. Chaque seconde le temps est compté. Il y a le morceau qui s'appelle Le temps est compté. Bon, avec le recul quand même ce morceau. Tu savais que ça allait quand même Mais tu sais quoi, je te dis, on est resté des heures et des heures à l'écouter et à se dire, t'es sûr? Non mais je crois qu'on l'a trop écouté. On savait pas. Ouais. Parce que ça ressemblait à rien de ce qui se fait. Donc c'était comme un ovni en fait. Donc un ovni, des fois, tu le regardes, tu te dis, t'es sûr? T'es sûr? Après, on l'a laissé s'envoler et voilà, on est content. Bah, il continue à bien s'envoler encore. Ouais, on est content. Vitesse de croisière, pas mal. Hein. Pas mal. Le temps est compté, c'est aussi pas mal, vous le retrouver sur l'album Dualité, ça sort le 6 novembre. Ouais. Et si vous voulez ce morceau tout de suite, c'est simple, vous précommandez l'album, vous l'avez aussi. Voilà. Donc c'est plutôt bien. C'était mieux de remettre les titres vu qu'il y en a qui n'ont pas acheté le EP. Au moins, ils arrivent, ils prennent l'album, ils prennent les titres aussi. Tu vois. Ils l'ont. Et ils seront là physiquement. Exactement, c'est mieux. Est-ce que tu es prêt maintenant, Blacko, pour le live, s'il te plaît? Je crois que c'est un morceau que tu nous fais en live. Ouais. Et Rise. Le titre Équilibre en live. C'est toi qui vas balancer le sans matos. Sans filet. Allez, c'est sans parti. Filet, garde l'équilibre. Ça, c'est un extrait du projet qui sort le 6 novembre. Blacko, notre invité, vos réactions avec le hashtag Blacko sur Skyrock. Et Rise, c'est quand tu veux. Il se connecte. Mais j'avais dit d'y aller, mais il prend son temps, Erais. Je sais pas, c'est la réunion qui l'a mis comme ça. Lego. Skyrock. La vie ne tient qu'à un fil sur lequel je cherche l'équilibre. Elle n'est pas un long fleuve tranquille. Dès la naissance, c'est un combat qui se livre. Vivre, c'est apprendre. Être libre, c'est comprendre qu'il n'y a que la foi qui délivre. Et personne n'est parfait. Des mauvais choix, j'en ai fait. Je sais, j'en ai conscience, mais je ne vis pas dans le regret. Non, je ne suis pas un ange. Non, je ne suis pas un démon. Seul Dieu est mes véritables proches, savent si mon cœur est bon. Je cherche l'équilibre entre le bien et le mal. Ouais, je n'ai qu'une vie à vivre. Je veux profiter avant le décollage final. Wow. On est tous à la quête du bonheur. On cherche tous une vie meilleure. On oublie souvent que la richesse première est intérieure. L'âme a une valeur. À moi d'écouter mon cœur. Je sais que Babylone fera tout pour m'induire en erreur. Si je veux rester solide, je dois continuer à aimer. Ouais, garder l'esprit lucide pour ne pas laisser la colère m'aveugler. One, écoute. Prends ce que Dieu te donne. Donne, sans attendre qu'on te donne. Donne le meilleur de ta personne. Hey, bon est celui qui pardonne. Rappelle-toi que tu n'es qu'un homme avant que ta dernière heure sonne. Free your mind, free, hey. Libère ta conscience. Fais confiance à tes sens. Le malin voudra te tromper, te fie pas aux apparences. Regarde tout a un sens. Oui, c'est comme une évidence. Oui, je ne suis qu'une poussière d'étoiles dans un univers immense. Je cherche l'équilibre. Et si Dieu veut, je l'obtiendrai. One, hey. Mon âme danse sur un fil. Et si Dieu veut, je tiendrai. Je garde les pieds sur terre, mais mon esprit aime s'évader. Entre l'ombre et la lumière, je pars, oui, je me laisse aller. Je laisse mon âme se balader au cœur de l'infini. Tu comprends ou tu comprends pas? Tout est une question de équilibre. Oh, wow. Équilibre. Wow. Oh, another time. Free. La vie ne tient qu'un fil sur lequel je cherche l'équilibre. Elle n'est pas un long fleuve tranquille. Dès la naissance, c'est un combat qui se livre. Vivre, c'est apprendre. Être libre, c'est comprendre. Ouais. Qu'il n'y a que la foi qui délivre. Pour tous les gens qui traversent des mauvaises passes, pour des gens qui sont là dans des tribulations, faut garder l'équilibre, bien, yeah. Faisait le bien entre le. Tu vois, t'as compris, man, tu as compris. One, one. Yeah. T'as pas l'équilibre, auto. À l'instant en live, donc voilà, ce morceau live qui s'appelle Équilibre. Voilà, en live. Et puis en live, attends, en live, c'est ce que tu sais faire là. Tu sors d'une tournée aussi. Tu y retournes d'ailleurs aussi. Ouais, hein. Sur la route toujours. Sur la route avec le 6 novembre, la sortie justement pour la sortie, La Cigale. La Cigale le soir même. Il y avait une boule noire qui était incroyable. Ouais, c'était cool, on s'était bien amusé. Et là, c'est encore un peu plus gros, c'est La Cigale. Voilà, petit à petit, on. Petit à petit. Tranquillement. Bientôt, l'oiseau fait son lit. Ça arrive. En même temps, on l'a fait. Vous l'avez fait avec Sniper, hein, Stade de France. Ouais, ouais, on avait fait ça. Bah, c'était le premier Urban Peace. Ouais, c'était tout premier. C'était quelque chose de. Il était là aussi, celui-là, là, avec sa canette. Ouais. Il avait quel âge? Ouais, à l'époque, j'étais déjà. Ah, nous étions jeunes. C'est quel âge? J'étais fougueux. J'avais 20, 22, 23, je crois. Premier Urban Peace? Ouais, ouais, je crois. C'est-à-dire, moi, j'avais quel âge? Jadis. Ah, putain. C'est pas qu'on était beaux. Bon, en tout cas, c'est beaucoup, voilà, beaucoup de regards croisés en tournée, beaucoup, ouais. Beaucoup de gens. Moi, qui... c'est vraiment ces moments-là que je préfère quand je suis sur scène et que tu vois les gens reprendre tes chansons et ressentir les vibrations que tu leur envoies et eux qui t'en envoient aussi. C'est vraiment là que ça se passe, en fait. Cet album, tu l'as pensé aussi pour la scène ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'il est aussi un peu plus calme, un peu plus introspectif. En fait, c'est. Scène, ça rime pas toujours avec badaboum, boudoum, boudoum. Il y a aussi un boudoum, il est dans la poitrine au niveau du queue, tu vois, au niveau gauche là. Donc c'est celui-là qu'on essaie de faire boum-doumer pendant les concerts, quoi. Vous avez commencé à jouer l'album ou pas? Ouais, on commence encore à présenter des titres et tout, et les gens prennent ça bien. Encore, ouais, qu'il est pas sorti. Bon, on a fait que Dieu me pardonne à La Réunion, on était agréablement surpris et tout. Donc c'est cool, on est super contents. De toute façon, les deux premiers singles qui ont été envoyés là, c'est vraiment pour donner un petit peu le. L'ouverture et l'esprit de l'album. Mais après, il y a les choses sérieuses qui vont commencer aussi. Bon, c'est le 6 novembre, en tout cas pour les choses sérieuses. 6 novembre, exactement. Récommande dès maintenant à l'écrire. Tu vas sur iTunes direct. Allez récupérer et vous cliquez. Et vous avez ce morceau aussi, Équilibre. Donc tout de suite, on peut l'avoir. Voilà, exactement. Allez-y, allez cliquer vos réactions. On se met dans la zénitude, ça fait du bien. Le hashtag, c'est Blacko sur Skyrock. Avant de se quitter, avant de retrouver Difool et de faire tourner la roulette dans un instant, est-ce qu'on met un dernier morceau pour conclure? Accroché à mes rêves, ouais, peut-être, ouais, comme ouais, vous ouais, voulez. Ouais, ouais, ouais. Allez, accroché à mes rêves, celui-ci. Ouais. On donne pas un nouvel aperçu de. Tu veux? Ah, c'est comme vous voulez. Ouais, vas-y. SOS, il est là, on est là. Ah, il y a un truc qui s'appelle SOS normalement. Est-ce que quelque chose qui est très bien? Un petit mot donc sur ce morceau SOS. Bah, c'est un espèce d'état des lieux de ce monde en 2015, quoi. Qui est pas super réjouissant, tu le disais, qui t'inquiète un peu. Bah voilà, si on en parlait, tu vois, il y a des gens, ils aiment écrire faire danser. Moi j'aime bien qu'on regarde un peu, faire un état des lieux, voir ce qui se passe. Et c'est pas que le moment de faire la fête, ça va un peu mal. Je te sens pas super optimiste là. Si, je suis optimiste. Mais parce qu'en même temps, oui, c'est vrai que t'es quand même quelqu'un qui apporte justement ce côté-là. Sinon, j'aurais pas de sourire. Ouais, c'est ça. Je garde mon sourire, mais c'est voilà. Ça juste allume la télé, enfin, ça dépend laquelle. Mais quand on veut les informations, on peut aller vraiment les trouver. On voit que le monde, il va pas si bien que ça. On peut pas dire qu'il y a pas mal de tensions, ça c'est sûr. Voilà, et c'est aussi un souci de. Voilà, je suis papa et j'ai peur de l'évolution. Ça, c'est la principale angoisse, c'est vraiment. Donc quoi, ils vont grandir mes enfants. Quand je vois déjà, c'est comment 2015. Mais je me dis, ça va être quoi 2030 et 2045. Quel plat ils vont se manger. Donc voilà, j'ai écrit SOS. Moi, j'envoie le mien en tout cas, en espérant qu'il soit perçu et entendu. Et justement, toi, ton rôle, alors c'est vrai qu'on connaît un peu ton histoire, justement, parce qu'il y a eu des morceaux comme Sans Repère où tu expliquais justement que ton père était parti. Ouais, ouais. Toi, t'as quel rôle justement là-dessus sur tes enfants? C'est un rôle que t'as pas connu en fait. J'essaie, c'est quelque chose de. Je l'ai connu qu'à moitié. Ouais, à moitié, ouais. J'essaie de le développer au maximum. Tu vois, Superman, ben, y a Super Papa, j'essaie d'être Super Papa. Voilà. Il y a aussi cette dualité parfois où tu dis, putain, j'ai peut-être dit une connerie, j'aurais peut-être pas dû leur dire ça. Il y a des moments où alors t'es assez quand même assez sûr de toi. On prend la colère et c'est la mauvaise conseillère qu'on a en colère. Il y a des fois des petits gros mots qui s'échappent et les enfants derrière. Papa, t'as dit quoi? On essaye de dissimuler un peu, mais. Non, j'essaye de faire le truc proprement, quoi. Non, en plus, ce titre, il a été fait un peu. C'est un des derniers, je crois. Ouais. Ah, c'est un des derniers, celui-ci. Donc voilà. SOS. Bon, il est très dans l'air du temps, en tout cas, ce morceau. Ouais, je pense, ouais. Alors, on l'écoute, on le découvre maintenant. Vous réagissez à hashtag Blacko sur Skyrock. Boum, boum, boum. SOS. Raisa la prod. Eh ben oui. Ce morceau qui s'appelle SOS à l'instant. Voilà. Encore un petit. Moi, je suis un chanteur d'espoir en vrai. Tu vois. C'est que j'ai été inspiré par un certain Bob Marley petit. Ouais. Bah, c'est une belle référence en même temps. Ouais. Et j'ai compris ce qu'il essayait de faire en fait à travers sa musique. C'était pas que de la musique en fait. Ouais, il sait que la musique ça accompagne des gens tous les jours. Et moi, j'ai choisi de faire partie du camp de ceux qui accompagnent les gens dans quelque chose de positif et de voilà. Ça, tu l'as compris assez tôt ou pas? Honnêtement, même au sein de Sniper, c'était quelque chose que. On n'a jamais fait de titre entre guillemets et parenthèses de déglingos. C'est pour ça que je dis ça, c'est parce que j'ai l'impression que tu l'as compris assez tôt en fait. Qu'on s'est trouvé, qu'on a monté le groupe, c'est qu'on était déjà un peu dans le même état d'esprit d'écrire ce qu'on ressentait vraiment, quoi, sans enjoliver, sans rajouter, sans tout ça, quoi. Ça va du trait pour trait, quoi, du truc qui nous ressemble vraiment. Donc là, c'est le prolongement. Je continue mon trait, je le tire, voilà. L'histoire continue. C'est toujours le même, voilà. Avec Blacko toute la semaine, ça s'appelle Dualité. Vous le découvrez cette semaine entre 20h et 21h. Ça sort le 6 novembre, déjà en précommande. Et je vous le disais, il y a des titres en plus. Si vous précommandez, vous avez des morceaux de Blacko tout de suite. Donc n'hésitez pas. Est-ce qu'on fait tourner la roulette avant de retrouver. Ah, nous avons un petit problème de standard, c'est pas grave. Est-ce que tu veux prendre quelqu'un en attendant? Je rappelle le numéro pour joindre Blacko. Très bien. 06 71 74 84 15. C'est la direct de Blacko. Ça, c'est la ligne directe. Allô, c'est qui? Oh, Blacko, salut. Je peux te ramener mon fils, s'il te plaît? Ouais, vas-y, mais t'es dans un hall, là. Ouais, t'es où? Ou dans l'espace. Elle est dans ton clip. Ah, bah ça. Non, mais de ce que j'ai compris, elle a filé le portable à son fils. À son fils, ouais. Et à mon avis, quand tu files le portable là, à ton. Il a mis en double appel ou quelque chose. À ton enfant. Non, c'est toute que j'ai fait. Bien fait ton truc. Ouais. Toute ta vie, tu l'as bien fait le jour où il est là. Bon, bah, big up, hein, l'enfant. Et bah, voilà. Je sais même pas son nom. Et bah, demain, on pourra remettre ça par téléphone avec Blacko. Big up, l'enfant. 06 71 74 84 15. Et on fait tourner la roulette maintenant avant de se quitter, avant de retrouver la radio libre de Diffoul. C'est parti. Skyrock t'offre la tournée du nouveau disque d'or du rap français, Youssoupha. Youssoupha. Plus ton kit de fringues pour aller au concert. Jonathan de Provence, salut John. Bienvenue dans le Planet Rap avec Blacko. Yeah. En fait, pour faire tourner, c'est mieux de t'appeler direct sur le portable parce que j'ai l'impression que notre standard est en rade en fait. Marche plus? Standardier. Bon. Oui. C'est Jonathan. Ouais, c'est Jonathan. Ah bah voilà, Jonathan de Provence, comment ça va? Ça va, et toi? Eh ben écoute, je te présente Blacko, c'est notre invité toute la semaine. John. Ah, Blacko, j'aime bien. Merci, salut à toi. Ah, j'aime bien, ouais. Je l'écoute souvent aussi dans le camion. Ah, bah c'est cool. Ah, c'est cool. Merci. Je suis tout le temps avec Skyrock dans le camion, tout, Blacko, je l'écoute avec mon téléphone sur internet. Et là, t'es dans le camion ou t'es descendu, Jonathan? Non, j'ai fini le camion, là, j'ai fini à 19h et. Voilà, posé. Chez moi, quoi. C'est parfait, c'est la détente avec la roulette en plus pour toi, des places pour aller voir Youssoupha. Ah, c'est sympa. Youssoupha, quelqu'un qui, voilà, qui partage aussi certaines valeurs, je pense, ouais, avec toi. Il était à la réunion avec nous d'ailleurs, il est à 3h. Ouais. Ça, c'est un stop. Si tu gagnes pas un vrai cadeau, c'est que c'est pas normal. Stop à la Dockness. Et ben voilà. Salut Dockness. Et voilà, place pour aller voir Youssoupha le 10 novembre au Zénith de Paris. Ouais, à Provence, c'est Paris, c'est parfait. C'est pour toi. Ah, merci, c'est nickel. Il y a deux places et des fringues. What the fuck avec le t-shirt, avec le caleçon, avec la casquette. C'est pour toi, on t'envoie tout ça du côté du 7-7. Ok, merci, c'est sympa. Mais par contre, moi, Provence, c'est 59, hein. Ah, t'es du Nord, Provence. Ah, j'ai pas compris. Ouais, Provence, c'est du Nord. Il y a Provence, et moi, c'est Provence. Et bah, c'est pas grave, t'iras voir Youssoupha à Lille. Parfait, pareil. Voilà. Ah, ok, ouais, il y a pas de soucis, j'irai à Lille. Et bah, deux places pour Lille, c'est pour toi. Je vous remercie. Ciao, Jonathan. Big up. Salut, passe une bonne soirée. Merci Blacko pour cette première soirée. Merci à toi. Demain de retour. Allez. Un petit peu avant 20h. R.I.S. tu seras là. Parfait. Ce soir, non? Big up à Dockness qui est en train sûrement de nous écouter. Ouais, big up le daron. Big up aussi tous les frérots de Montmagny et compagnie. Il se déplace plus, Dockness? Il est bloqué? Non. Demain, il va revenir en forme. Il est là. T'inquiète pas. Très bien. Merci Blacko en tout cas pour cette soirée. Dualité, c'est le 6 novembre. Et toute la semaine, on te retrouve pour le découvrir entre 20 et 21. Fou, est-ce que tu es là? Oui, Fred. Ah bah voilà, ça tombe bien, toute l'équipe de la Radio Libre aussi. L'équipe de la Radio Libre, j'entends. On est là. Ouais. Cédric, Marie, yes. Romano, Karim, déjà au téléphone avec vous, tiens, appelez parce que si vous voulez parler à Karim, c'est maintenant ou jamais. Wow, 01 53 40 30 20, après il va y avoir embouteillage au standard. La Marie, pareil, profitez. Et je vous envoie Momo dans un instant. Très bien, Momo. C'est gentil, merci de nous le rendre. Et on vous attend en direct, vous aussi, vous êtes les bienvenus évidemment. Sinon, comment passerait une bonne soirée si vous n'étiez pas là? 01 53 40 30 20, bah oui, ça serait dur. C'est comme toi sans Blacko cette semaine. C'est très compliqué. Ça va et toi? Eh bien, je fais plaisir de te réécouter, de te réentendre. Et toute la semaine, jusqu'à vendredi, en direct sur Skyrock. C'est ça, exactement. Eh bien, on sera là demain à 20h, 21h. Merci Blacko, merci Fredo. Merci à vous. Big up. Et big up à vous. Et là, c'est parti pour le son de Skyrock pour démarrer la radio libre. Ce sera Fetty Wap et Gradure. Ils arrivent tout de suite tous les deux. On écoute Trap Queen. Demain, on écoute du Blacko dès 20h et jusqu'à minuit. Eh bien, on s'écoute tous ensemble. Venez faire les cons avec nous jusqu'à minuit. C'est parti. Radio libre, Fetty Wap, Gradure. On arrive juste derrière. À merci toutes. Fred. À ciao, toutes. Ciao. Merci Blacko. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Ciao. Ciao. C'est nouveau. C'est dans le morning de Diffou.